Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous, vous êtes à l'écoute de Radioactive et vous êtes dans le Mag. Et aujourd'hui dans ce mag, on met la couleur rose à l'honneur, celle de la solidarité, de la force et de la vie. La MJC d'Amboise organise sa soirée Octobre Rose. Ce sera ce vendredi 24 octobre au Moulinet à Nazel, un événement placé sous le signe de l'art, de l'émotion et du partage. Au programme, le spectacle En résonance à toutes les roses, mis en scène par Mégane Destrac, avec des textes écrits et lus par Nathalie Voinet, accompagnés de danse et de création portés par une équipe d'artistes complices et engagés. Et parce qu'Octobre Rose, c'est aussi une célébration de la vie, la soirée se poursuivra sur la piste de danse par un moment festif et collectif. Et pour en parler aujourd'hui dans cette émission, je reçois... Alors, nous avons Mégane autour de cette table. Mégane Destrac, bonjour. Bonjour. Nous avons également Sarah qui est danseuse. Bonjour Sarah. Bonjour. Et puis nous avons Charlotte également qui est danseuse et qui est venue accompagner également de Lalia. On a plein de monde ce soir autour de cette table. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Alors ce spectacle En résonance à toutes les roses, comment est-ce qu'il est né ce projet? Je vais peut-être du coup me tourner vers la metteuse en scène qui est Mégane. Eh bien en fait c'est né d'une conversation qu'on a eue à la MJC avec la commission culture. Et on voulait proposer quelque chose d'artistique. Moi, j'ai tout de suite pensé au texte de Nathalie. Donc, j'ai fait la proposition. Et ensuite, le 26 août, j'ai relu les textes et j'ai créé une trame, en fait, de spectacle. Et parce que les textes de Nathalie sont très profonds, ils sont très... Il y a une place pour le corps et le mouvement, en fait, peut-être, non, dans pas, ces textes. Pas du C'était tout. Justement à adapter, ça Oui, c'est ça. En fait, elle a raconté son parcours du début, quand elle a appris qu'elle avait un cancer du sein. D'accord, donc elle a affronté cette épreuve-là, d'accord. C'est ça. Okay. Donc, elle a appris en septembre 2024. Okay. Et donc, là, en fait, elle arrivait au bout du parcours de traitement, opération, tout ça. Et en fait, elle a partagé beaucoup de textes sur Facebook qu'elle a échangé avec nous. Et moi, ça m'a tout de suite touchée parce que ils étaient profonds, ils étaient très, très bien écrits. Et c'était très, très touchant, très résilient. Enfin, voilà, c'était beau. C'était des très, très beaux textes. Et donc, ça m'a tout de suite parlé. Et donc, moi, mon truc, c'est la danse. Mm-hmm. J'en fais depuis que je suis petite. D'accord. Et donc, j'ai voulu organiser quelque chose autour de la danse, de la musique et de ces textes. Quand vous dites « j'ai eu une discussion avec la commission culture », on pense à Laurie Charpentier, j'imagine, puisqu'elle était là présente il y a quelques instants dans le studio. Elle avait fort à faire, donc elle est repartie. Mais on salue Laurie qui, du coup, j'imagine, vous a accompagnée aussi dans la réalisation de ce projet. Alors oui, il y a eu Laurie. On a eu une première réunion, Laurie, moi et Nathalie, où moi j'ai exposé ce que j'avais en tête. Et ensuite, on a pensé à Charlotte, qui du coup, elle aussi a traversé un cancer du sein. Ah, d'accord. Et comment on s'est rencontrés, en fait, toutes ces personnes, avant que tout ça arrive, c'est qu'on faisait de la danse ensemble, du ragga dancehall, avec Laurie. Mm-hmm. Donc Charlotte, Nathalie, ensuite on a fait l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Et donc on s'est toutes rencontrées à ce moment-là. Et voilà, Charlotte a eu le cancer du sein. L'année d'après, Nathalie. Et donc, moi, j'ai tout de suite pensé à Charlotte aussi pour être la danseuse principale. Voilà. D'accord. J'imagine, Charlotte, du coup, on va vous passer le micro un instant parce que là, c'est un élément évidemment important qui vient d'être dit sur cette antenne. Cette démarche, justement, de célébrer Octobre Rose, pour vous, elle a une résonance particulière, évidemment. Alors oui, encore plus quand on est touchée, parce que avant, effectivement, j'y étais sensible, mais pas autant qu'une fois touchée. Et du coup, j'ai été ravie qu'on pense à moi pour faire partie de ce show, et je suis très touchée de ça. Les textes de Nathalie, évidemment, vous touchent particulièrement, on imagine aussi. Vous partagez d'ailleurs ce qu'elle a écrit? Alors complètement. Ouais. Déjà, ça a été très dur de les lire une première fois. Quand on a commencé à mettre en scène, il faut que je me détache parce que c'est encore tout frais et que effectivement c'est encore très sensible. Mais à travers cette douleur qu'on peut ressentir, c'est vraiment à travers le spectacle, on veut faire partager le fait qu'on peut s'en sortir, qu'il faut se donner la force d'eux et bien accompagner, et on peut relever tous les défis, et ça c'est ce qui rend le spectacle très beau. On voit que vous avez une forte volonté et puis un sourire communicatif, donc ça fait plaisir. On n'a pas encore entendu Sarah. Alors Sarah, c'est quoi votre rôle dans tout ça ? Écoutez, moi en fait j'ai rencontré ces filles-là à la danse ou au travail. Et je suis hyper touchée et reconnaissante de faire partie de cette aventure sur cette création de spectacle, qui est très touchant. En fait, dans l'équipe de danse, aujourd'hui, vous êtes venue avec les petites demoiselles qui sont avec nous, et notamment Lalia. Tous les âges sont représentés dans ce spectacle. Elles vont participer aussi. Oui, Lalia, elle aime la danse aussi. Mm-hmm. Ouais, Lalia, tu confirmes, tu aimes la danse. Oui, j'adore depuis toute petite. Waouh. Et donc, à la MJC, on a plein de danseurs. Donc, c'était pas possible d'inviter tous les danseurs à venir participer à ce spectacle. Mais donc, du coup, j'ai demandé aux personnes qui participaient déjà, Charlotte, Nathalie, qui avaient des liens particuliers avec certaines personnes, de me dire avec qui elles avaient envie aussi de partager ce spectacle, quoi. Et donc, Lalia, Sarah, on a Valérie aussi, on a... Qui d'autre, Kelly? Enfin, Kelly, c'est aussi encore particulier. C'est encore une autre danseuse qui a eu un cancer du sein. On la salue, Kelly, on la connaît. Et oui, Charles, exact. Lalia me souffle, Charles. En fait, j'ai énuméré les filles. On n'a pas que des filles. Il n'y a pas que des filles. Voilà, c'est ça. On a Charles aussi qui... Alors, Charles, moi, j'ai pensé à lui parce que c'est un danseur que j'apprécie. À la MJC, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ah oui, Charles qui fait plutôt le freestyle, lui. C'est ça. Oui, ok. Et Leïla, de la même façon. Leïla, je l'ai imaginé en fait pendant le spectacle, j'ai imaginé Leïla et Charles danser en fait, et je trouvais que c'était parfait. Donc voilà. Et puis Leïla qui a un atelier chorégraphique. Donc il nous fallait des danseurs et des danseuses assez expérimentés parce que en fait on a monté ça en 2 mois. Donc, autant dire qu'il n'y avait pas trop de place au hasard dans tout ça. Et alors, ça veut dire que, alors, du coup, on entend street jazz, on entend freestyle. C'est quoi le... Il y a un mélange de tout ça. Ça va être un spectacle. Il y a de l'afro, il y a du contemporain, il y a un peu de tout. C'est mixé. Il y a vraiment de tout. C'est un spectacle qui dure combien de temps ? Ça dure une heure. D'accord. Une heure de l'intro jusqu'à la fin et les remerciements. Et c'est une heure tout compris. Et en fait, il y a... environ, on va dire, 20 minutes de danse, 25-30 minutes de texte. Ah d'accord, c'est pas en même temps. C'est deux moments qui sont bien distincts. D'accord, moi j'imaginais un texte lu pendant que ça dansait, vous voyez, donc c'est bien compris. Non, les textes de Nathalie sont lus, et ensuite les scènes dansées qui les illustrent commencent. Donc voilà. Comment est-ce qu'on arrive à traduire des émotions par le mouvement, la scène, la lumière ? C'est pas évident. À travers la danse, il faut y être réceptif. Déjà, parce que si on n'a pas d'affection envers la danse, on ne verra pas à quoi correspond le mouvement avec le texte qu'on aura partagé avant. Si on a adhéré au texte et qu'on suit le mouvement de la danse, et les chansons choisies aussi, elles ont été valorisées par rapport à ce qu'elles expriment. Donc à travers ça, je pense que c'est un spectacle touchant, même au-delà de ceux qui ne connaissent pas la maladie et qui n'ont pas de lien avec le cancer du sein. J'imagine que ça doit quand même être touchant. En fait, moi, c'est ce que je disais à Nathalie, c'est que ces textes, moi, j'ai pas été touchée par un cancer du sein, mais ces textes, ça peut aider n'importe qui traverse une épreuve difficile. Et moi, ça peut parler à n'importe qui, en fait. C'est des mots que moi, je peux pas poser, mais qu'elle, elle a posé, en fait, pour aider les autres, entre guillemets. Elle l'a pas fait pour ça. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien de les lire. Et quand je les relis, ça me fait beaucoup de bien. D'où l'importance que le public soit présent. Vendredi, donc 24, ça sera au Moulinet. On parle beaucoup d'émotions, et à juste titre, mais cette soirée, elle va être conviviale, elle va être sympa et pleine de bonne humeur aussi. Alors ça, c'est important. Juste après le spectacle, on place du coup à la danse, mais d'une manière différente après. Ah oui, ensuite, j'ai créé une playlist, on va dire, de années 80 jusqu'à aujourd'hui. Avec plein de musique, mais pour danser en fait, pour se lâcher. Le but de la soirée, c'est aussi d'après, parce que c'est beaucoup de stress en fait pour nous, pour les danseurs, pour l'organisation. Donc c'est aussi un moment, un cadeau aussi qu'on va se donner, de se dire voilà, on a réussi à faire notre spectacle et maintenant on n'a plus qu'à s'éclater sur la piste de danse. Qu'est-ce que vous aimeriez toutes les trois que le public retienne en quittant la salle de cette soirée ? Sarah. Bah moi, j'étais en train de rebondir un petit peu sur ce que vous disiez il y a une minute. L'histoire de résonance, en fait, ce spectacle, je pense qu'il peut parler vraiment à tout le monde. Donc, c'est que ça fasse du bien un petit peu à tout un chacun, en fonction de ce qu'il traverse ou ce qu'il peut ressentir et penser. D'accord. C'est un beau message. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Lalia ? Bah moi, je pense que ce spectacle, il veut dire que tout le monde peut traverser sa maladie. Ouais, très beau message. Moi, je voulais aussi... Je pense que c'est aussi le message de Nathalie, c'est de dire il n'y a pas qu'une façon de la traverser, cette maladie, ce cancer du sein. Il y en a mille façons, mais on n'est pas obligé d'être passif, en fait. Elle disait, en fait, même si ça me tombe dessus, eh ben, je peux faire des choses pour que ça aille mieux et pour le vivre du mieux possible, en fait. Donc, et ça, moi, j'ai trouvé ça très inspirant, en fait. C'est super inspirant. Tous ces textes sont super inspirants. C'est le mot que j'avais pas tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, en fait. Et Nathalie, elle va danser aussi. Elle va faire que lire ce soir-là. Elle danse un petit peu. Ouais, après, bref, voilà. Ça peut pas être partout. Voilà. Et puis, comme elle est encore affaiblie, ouais, un petit d'accord. peu, Nathalie, vu que je sais plus c'était quand ou l'annonce de la rémission, mais c'est il y a pas très longtemps, quoi. Ça fait pas 2 mois. Donc voilà, on va prendre soin d'elle, surtout. Mais elle danse un petit peu. Et moi, je l'ai vue pendant la répétition et ça faisait plaisir de la voir danser. Elle était rayonnante, en fait. Elle était rayonnante à danser. Voilà. C'est aussi ce spectacle, pour moi, le but de l'avoir créé, tout ça, c'était aussi de mettre en lumière, du coup, ces femmes qui ont traversé ce cancer. Donc Charlotte, Nathalie, Kelly aussi. Parce qu'elles le méritent et qu'elles bah, sont trop belles, quoi. Elles sont trop fortes. Je pense aussi qu'à travers ces textes, elle veut dire merci, parce que c'est en résonance, et merci à toutes les petites fées, toutes les roses qui peuvent être autour de nous et nous accompagner, que ce soit le corps médical ou les amis, plus ou moins proches, peu importe, mais tout l'entourage participe à une rémission, et je pense que c'est ça aussi qu'elle veut faire partager à travers ces textes, et c'est comme ça aussi que moi je le vis, donc... Je pense que c'est ça. Qu'elle s'est sentie entourée, en fait, tout du long. Du début, elle ne s'attendait pas à ça. Elle a dit elle a eu, pas une vague, mais un soutien qu'elle n'imaginait pas, en fait, pouvoir avoir. Et elle s'est dit, à plusieurs, on est plus fort, en fait. Et elle a traversé cette épreuve pas seule, en fait. Alors, comment on fait pour participer à cette soirée Octobre Rose et pour voir ce spectacle en résonance à toutes les roses? On arrive à quelle heure? Ça coûte combien? Est-ce qu'il y a un petit truc à grignoter sur place? Voilà, les petites infos concrètes. Alors, ça commence à 21h, le spectacle. Okay. Mais on ouvre les portes dès 20h15 parce que il n'y a pas que le spectacle et pas que la danse. Voilà, on a des affiches qui ont été faites par Nathalie, par l'école Richelieu. Voilà, il y a des petites choses à voir aussi dans la salle. Il y a un bar qui est ouvert. Okay. Donc à grignoter, je ne suis pas sûre, mais à boire, oui. C'est déjà bien. Voilà. Et ensuite, on coupera la musique à minuit. D'accord. Voilà. Et au niveau du tarif, Mégane? Ah pardon, c'est 7€ l'entrée, et c'est reversé au profit de la Ligue. Tout, en fait. Tout. Intégralement reversé à la Ligue contre le cancer, on imagine. C'est ça. D'accord, ok. Donc ça, c'est super. Ouais, donc une utilité concrète et directe à l'association, d'accord. Voilà, tout est fait bénévolement, en fait. On a 20 danseurs sur scène, on a plein de bénévoles, tout est bénévole. C'est là qu'on voit qu'il y a un gros réseau, en fait, d'entraide qui peut se créer sur ce genre de cause qui touche tout le monde et qui, voilà. Sarah, elle a fait l'affiche, ensuite ça a été revu avec Laurie, ensuite on a un groupe où il y a tout le monde a dit « Ah, mais moi, mon idée, c'est ça ». Enfin, en fait, sur tout le projet, à partir du moment où il y a eu la trame, quasi tout le monde y a mis un peu sa patte. Mmh. C'est-à-dire que moi, je suis metteur en scène, mais je n'ai pas créé les chorés. Ça va être Charlotte, Charles, Laurie, Leïla, enfin, ils ont tous créé même les fées entre elles. Enfin voilà, il y a eu des moments de partage et de création qui valent le coup. Enfin vraiment, c'était précieux à voir, à vivre. Enfin, c'est un vrai travail d'équipe qui resserre les liens, on imagine, non? Oui. Ok, merci à toutes les 4, 5 d'être venues aujourd'hui, parce qu'on a vu une autre petite invitée dont le prénom est Sarah. Une autre Sarah. Voilà. Bon, fallait savoir qu'on était plusieurs, nombreuses dans ce studio aujourd'hui pour cette émission. Et ben, en tous les cas, merci beaucoup pour cette belle initiative. Merci d'être venue nous en parler. Une initiative qui mêle l'art, la solidarité et puis l'émotion. Hein, c'est un mot qu'on a entendu plusieurs fois dans le courant de cette émission, mais c'est effectivement important. Donc on rappelle aux auditeurs que le rendez-vous, c'est vendredi 24 octobre, ouverture des portes à 20h15 et début du spectacle à 21h. qu'il en coûtera 7 euros entièrement reversés à la Ligue contre le cancer. Mégane lève le doigt. J'ai oublié de prévenir que pour les personnes de moins de 18 ans, ce sera gratuit. Voilà, c'est pas payant, mais il y aura sur place une boîte à dons, en fait, pour les personnes qui souhaitent soit mettre pour les enfants, soit mettre plus, parce que pour eux, bien 7 sûr. Euros, c'est pas assez. Nous, on prend. Hein. Bah, bien sûr. La Ligue, elle aide tout le monde et elle a toujours besoin de fonds. Évidemment. Donc 7 euros, c'est le tarif adulte, on va dire. Ok. Merci beaucoup d'être venu encore une fois et on vous souhaite un très beau spectacle en ce vendredi 24 octobre au Moulinet. Merci beaucoup les filles. Est-ce que vous auriez une idée de musique que nous pourrions écouter ensemble et qui peut-être ferait écho au sujet de cette émission ? Eh bien, on écoute une musique qui sera dans le spectacle « This is me » de Kayla Settle. Ok, et qui a priori fait écho. C'est parti, on écoute. I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.